1987, année de ma naissance. Loin, loin de mon look casquette de l'adolescence. C'est peut-être de là qu'il faut partir, de cet âge où j'en pâtis. Antipatype comme type, mais plutôt éclectique. Ambiance électrique, partout je traîne, mais j'ai le sourire et le moral pas toujours terne. À cette époque, j'avais 14 piges, paraît que t'es bête à cet âge. Mon pote est mort lui, suite à ses métastases. Putain, que dire après cette phrase? Moi tenace tu parles, on écoute Nas, on se met en naze. I know I can, j'ai cru avancer avec ou sans vertu. Encore un récit de jeune perdu, que du vécu, je l'ai vu. La douleur d'être pauvre et ce, quelle que soit ta couleur de peau. D'ailleurs, si je prends du noir, je suis pas raciste. Un pauvre tocard plus qu'un artiste, juste un connard triste. Le temps passe et moi je reste. D'hier à aujourd'hui, le temps passe et moi je reste. D'hier à aujourd'hui, je me rappelle à cet âge, j'étais au 404 à faire les 400 coups. On traînait tous entre potes et zincous. Putain, on était cons, trois poils de bite. Soir, on faisait le monde et paraissait débile. On chattait des meufs sur Skyblog ou se défend MSN. On buvait du Skycock, moi je traquais la moindre scène. Certes dissipé, mais finalement si peu. J'ai grandi, mais dans la tête je me sens toujours petit peu. On roulait en brel, on draguait les belles. On roulait des pelles, on se passait les telles. Qu'est-ce qu'on se marrait l'été? Merde, ce temps si paraît si lointain. Reste ici, oui, si t'apprécies le potin. 16 piges, ça parle de meufs et teufs. En gros de seufs et de reufs, rien de neuf. Toujours tous des guerres sur l'étoffe. Aujourd'hui ça boit toujours plus, mais certaines jouent plus. Mes potes changent et sont devenus joufflus. Le temps passe et moi je reste. D'hier à aujourd'hui, le temps passe et moi je reste. Aujourd'hui, le temps passe vite, et ça, tu ne cesses de me le dire. Écrit bien nostalgique, que je pense bien maudire. Je suis encore à l'époque des cuites au label 5, à l'heure où les meufs de mes potes, elles tombent enceintes. Autour, paraît qu'il y a plein de représages, mais comme j'en veux à la vie, je ne vois que des représailles. Il est loin le temps de l'insouciance, tous inconscients de ce qui arriverait, je consens. Mais aujourd'hui, ça parle de zombie, de taf et de crédit. Du coup, je me tais, me cache et reste bien ce crédit. Sûr qu'on veut tous s'en tirer depuis le placenta. La vie de rêve, villa, piscine et grand place sympa. Putain, moi gère entre demain et hier, voulant une vie meilleure avec l'humour de Mike Myers. Plus du quart de siècle et en pleine introspection. Collé au siège, une feuille blanche, point d'interrogation. Le temps passe et moi je reste. D'hier à aujourd'hui, le temps passe et moi je reste. Aujourd'hui, ça passe vite, tout est flou. Où est cette époque où on était tous fous? Tous fous! Plus rien à foutre, me faut cette pute de DeLorean. Remonter le temps ici, je ne serai jamais un lauréat. Putain, c'est dur, toujours les mêmes plein de pros. Les factures, même trop, je baise leur procédure d'escroc. J'étais clitran avec la daronne, c'est ce qu'ils disent tous. Même quand j'en chie, je la remercie pour ce 10-12. Bien conscient d'avoir une mère en or, quand le destin peut se jouer sur un simple mélanome. La vie ne tient qu'à un fil et je suis mauvais en couture. Le même gros fils qu'hier, habitué au coup dur. J'écris toujours le moral à zéro, tu prends des risques assez gros. La déprime c'est contagieux comme un sérum. Je suis au fond du trou et creuse encore. Mais ici ils veulent juste tous réaliser un buzz en or. Le temps passe et moi je reste. D'hier à aujourd'hui, le temps passe et moi je reste. D'hier à aujourd'hui. Et merde, où allons-nous? Y'a plus de gars galants, y'a que du vague à l'âme. Je repartir au galop, rue du Galou. Te rappelles-tu de cette époque? Ça manque à squatter les bancs, la drague élégante. Où on se foutait des banques? Les gens te mentent, et tellement j'en deviens fou. Je suis réellement proche de l'internement. Ils tueraient tous pour leur écran tactile. Tout est virtuel aujourd'hui, quand même l'amour paraît factice. Ça parle que de ça, Samsung, Facebook, iPhone. Sans cesse blasé, je me suis calé la sonnerie de Skyfall. Je reste un poids plume et rêve de m'envoler. Ça t'a pas plu, c'est que je n'y crois plus, ne trouve plus l'espoir qui m'ont volé. Paraît qu'on est tous égaux au même potentiel, mais j'ai du mal à le croire quand je pense aux potes au ciel. Fini le temps tripant de la pâte à sel, les proches décèdent, mes projets cèdent et dans mon sang l'alcool se décèle. temps passe et moi je reste. D'hier à aujourd'hui, le temps passe et moi je reste. D'hier à aujourd'hui.